Tout de suite et jusqu'à 14h, c'est Histoire Vivante. Bon après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Piffer vous proposent, en nouvelle diffusion, Histoire Vivante. C'est la Vierge Marie en déshabillé de soie. Hein. Pourquoi il y a des bouteilles de Bourgogne à épaules tombantes, des bouteilles d'Alsace en forme de clocher de la cathédrale de Strasbourg et des bouteilles de Bordeaux à épaules carrées. Travailler dans le vin ? Vous connaissez beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans le vin ici. Cette semaine, un certain fruit. Le vin, c'est l'incarnation de la lumière du soleil enveloppé par de l'eau. De l'amphore. Il y avait dans les vins antiques énormément d'additifs. À la mondialisation. Nous avons détruit le mythe de l'invincibilité de la vigne française. Contenu. Plus serré qu'une nonne, mais bonne concentration, très fruitée. Et contenant. Le vin a un rapport au temps qui n'est pas du tout linéaire. On ne couronne pas le vigneron qui produit le plus, on va couronner le vigneron qui a réussi à le mieux entretenir sa vigne, la bichonner. C'est ce que je veux faire avec mon vin, non ? Il y a un moment donné, ça va, j'ai pas besoin d'avoir toujours 12 mecs autour de moi pour me dire ce que je dois faire. Vous êtes là à me regarder avec vos grosses couilles. Ils vont pas dormir, là, les éditeurs. Attention, ça tourne. Hein. Cuisinier du duc de Richelieu, pour le dîner que vous me demandez de préparer, j'ai besoin de 15 jambons. Mais c'est pas possible, vous me volez 15 jambons. Mais Altesse, avec ces 15 jambons, je vais faire un fumet, un fond, etc. Et je les réduirai à la taille d'un dé à coudre. Et alors, il a trouvé la réponse tellement belle qu'il a accepté. En fait, il était volé, mais il a accepté de signer pour les 15 jambons. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Jean-Robert Pitt, je suis géographe, ancien président de l'Université Paris-Sorbonne et présentement secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques à l'Institut de France. L'Institut de France a été créé par la Convention et Napoléon et rassemble, dans un bâtiment qui est l'ancien collège des quatre nations créé par Mazarin, rassemble les cinq académies qui sont l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des beaux-arts, l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques, qui est la dernière recréée en 1832 par Guizot. On pourrait s'étonner, Jean-Robert Pitt, qu'un géographe s'intéresse à la bouteille de vin, puisque c'est le titre d'un ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui. Néanmoins, vous débutez vos lignes en disant « c'est au cours d'un voyage en Bourgogne ». Je mets des points de suspension parce que c'est à vous évidemment de poursuivre. Alors, la première fois où j'ai vu effectivement des bouteilles soufflées à l'ancienne, donc pré-industrielle, artisanale, c'est effectivement en Bourgogne où souvent les vignerons, dans le temps, mettaient leur mare de Bourgogne qu'ils mettaient sur la table à la fin du repas dans une vieille bouteille qu'ils trouvaient dans leur cave parce que c'était un peu difforme, ils trouvaient ça joli. Et donc ça m'avait beaucoup surpris. Difforme et oxydé par le temps sans doute. Non, pas parce que le verre peut résister très très très bien. S'il n'est pas ballotté et heurté, etc., il résiste très très très bien. Il peut rester totalement pur, mais ça s'oreille, évidemment. En tout cas, donc, ça m'avait étonné. Et puis après, au fil de mes travaux sur la vigne et le vin, quand j'étais étudiant, puis plus tard, après, je me suis intéressé beaucoup à ces objets. Je les ai collectionnés sans être un collectionneur compulsif, comme il y en a aux Pays-Bas, surtout en Allemagne, en Angleterre, dans des pays où on a fait énormément de bouteilles de très grande qualité et personnalisées. C'est-à-dire les gens achetaient les vins en barrique et mettaient au XVIIe, XVIIIe siècle leur vin dans des bouteilles pour éviter de vider la barrique d'un coup donc et de la boire, donc pour conserver le vin sur plusieurs années, dans des bouteilles avec leurs armes dessus, avec le millésime gravé dans le verre ou estampé dans le verre. Donc ça, ce sont des bouteilles qui valent très très très cher aujourd'hui. Je vous avoue que je n'avais ni les moyens ni le goût de faire une collection d'art. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est au moment où j'ai découvert que je me suis posé la question, mais finalement, elles ont toutes des formes différentes. Alors, soit des formes différentes dans le détail parce qu'elles étaient soufflées à la bouche et que par conséquent, on n'arrivait pas à avoir des modèles parfaitement identiques comme aujourd'hui où on fabrique les bouteilles dans des moules industriels et à toute vitesse, soit parce qu'elles étaient de régions différentes. Et c'est ça qui m'a intéressé en tant que géographe, c'est de me dire, mais finalement, à un moment donné, je ne sais plus à quel moment, peut-être dans les années 70, quelque chose comme ça, je me suis dit, mais tiens, pourquoi il y a des bouteilles de Bourgogne ou de Champagne à épaules tombantes, des bouteilles d'Alsace en forme qu'on appelle flûte en forme de clocher de la cathédrale de Strasbourg et des bouteilles de Bordeaux à épaules carrées. Mais j'ai mis un certain temps avant de trouver la réponse. Hein. La réponse a dû intervenir, je pense pour moi, à peu près à la fin des années 90. Donc c'est une recherche au long cours, mais dans notre métier d'universitaire, c'est ce qui est agréable, c'est de se poser les questions, puis de dire, tiens, je vais ouvrir un dossier sur le sujet, un tiroir dans mon bureau, puis je mettrai tout ce que je trouve là-dessus dans le tiroir, et un jour... Ça aboutira. Un de mes maîtres, Xavier de Planolle, a écrit un énorme livre sur le rafraîchissement des boissons, qui s'appelle « L'eau de neige », qui est un gros livre publié chez Fayard, et il y a travaillé 50 ans. Mais il n'a pas fait que ça, évidemment. Il a accumulé des références, des fiches, des idées. Moi, je me souviens de tous les livres que j'ai écrits. Dans mes dossiers, il y a des tickets de métro, il y a des bouts de papier toilette avec. Parce que quand vous avez l'idée, ou quand vous vous levez le matin et vous avez l'idée, souvent c'est un coin de journal. Et si vous ne la notez pas, ça ne vous revient jamais. Ou ça vous revient par hasard. Donc j'ai toujours dit à mes étudiants dans les séminaires de recherche, dès que vous avez une idée, surtout, vous l'écrivez. Vous verrez, ça va vous servir. Après, vous collez vos petits bouts de papier les uns à côté des autres, vous mettez de l'ordre, mais l'idée doit être notée immédiatement. Comptez sur moi, malgré l'envie que je ne vous appellerai pas Jean-Robert Pitt, Sherlock Holmes, durant cet entretien. Et je vais mettre à distance l'impatience des auditeurs qui, évidemment, voudraient savoir très rapidement les raisons de ces formes de bouteilles que vous avez fini par... comprendre, dévoiler, après tout vous avez mis du temps, et bien l'auditeur aussi devra apprendre la patience. Retour à Histoire Vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. Sur l'axe Vevey-Fribourg, un poids lourd a subi une crevaison à la hauteur de Châtel-Saint-Denis en direction de Fribourg. La prudence est de mise dans les deux sens de circulation car des débris de pneus sont signalés sur la chaussée. Et sur le contournement de Martigny, la circulation est ralentie dans les deux sens entre l'échangeur du Grand Saint-Bernard et Martigny Expo suite à un accident. Je vais vous citer « Les bouteilles racontent une histoire complexe, conjugue la nature des matières premières, la maîtrise des techniques verrières, les codes d'élaboration, de conservation, de transport et de commercialisation du vin, ainsi que les goûts esthétiques et les représentations des producteurs et de leurs clients. » Dans cet ouvrage que vous avez écrit consacré à la bouteille de vin, qui s'intitule « La bouteille de vin »« Histoire d'une révolution ».« Histoire d'une révolution » paru chez Talendier. Chez Talendier. Vous choisissez d'essayer d'explorer la bouteille sous toutes ses formes, je devrais dire les bouteilles, d'ailleurs en écartant pour un temps Baudelaire qui disait que la bouteille était... L'âme du vin chante au fond des bouteilles, mais c'est plutôt un poème triste. Et Loin d'être une prison est un ermitage. Oui, c'est pas un poème très joyeux. En fait, je pense que Baudelaire avait le vin triste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire complexe-là? Comment vous l'avez abordée, attrapée? J'ose dire, classiquement, comme tout historien, par chronologie? D'abord, on fait du verre depuis très très longtemps, depuis la haute antiquité, mais on s'est soufflé le verre pour en faire un objet creux, depuis en gros le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ça se passe, la découverte se passe au Moyen-Orient, sans doute du côté du Liban, de la Syrie, d'Israël d'aujourd'hui. Parce qu'il faut des matériaux particuliers, il faut des techniques particulières, une température élevée. Donc en tout cas, ça se passe il y a un peu plus de 2000 ans. Et donc quand vous allez dans les musées d'antiquité romaine, vous trouvez plein de fioles en verre, qui servaient surtout pour les parfums ou les onguents, mais vous avez aussi des bouteilles plus grandes. Vous allez au musée de Cologne, par exemple, qui est un des plus beaux musées du verre antique qui existe au monde, parce qu'on a trouvé énormément de verre dans les fouilles de la vallée du Rhin. Vous avez des bouteilles qui ressemblent pas mal aux bouteilles actuelles, mais qui ne servaient pas à mettre du vin, qui étaient plutôt des carafes. Pour l'eau, l'huile, éventuellement le vin, mais à poser sur la table, debout, servant de carafe. Le problème, c'est que le verre était fragile à cette époque, comme pendant tout le Moyen-Âge, comme pendant la Renaissance, et qu'il faut attendre le XVIIe siècle pour qu'on sache faire du verre un peu plus solide. Mais la vraie raison, surtout, c'est que ce sont les Anglais, les Néerlandais, les Flamands, les Allemands qui ont éprouvé le besoin d'avoir des récipients pour conserver du vin parce que, au XVIIe siècle, on ne faisait plus de vin en Europe du Nord. C'est le petit âge glaciaire, il fait très froid, la vigne ne pousse plus, donc on achète du vin au sud, c'est-à-dire dans les Charentes, c'est-à-dire à Bordeaux, c'est-à-dire à Porto, c'est-à-dire à Jerez, en Andalousie, en Méditerranée, ou à Madère, ou aux Açores, etc. On achète donc le vin en barrique. C'est le moyen de, à la fois de transport, mais aussi d'élaboration, de fermentation du vin. Donc on a des barriques qui font, selon les contenants, ça dépend des villes et des pays, mais enfin en tout cas, qui font plus de 200 litres. En moyenne, parfois plus importantes, mais les plus importantes, en général, restent à demeure dans les caves, tandis que les barriques de transport sont entre 220 et 230 litres, le plus souvent. Quand vous êtes un marchand ou un amateur de vin anglais, vous achetez une barrique de bon vin. Vous avez 220 litres. Donc, vous la mettez en perce, vous pouvez tirer du vin. Mais comme vous le savez, si vous tirez du vin, il y a de l'air qui rentre dans la barrique. Et au bout de quelques jours, cet air entraîne la fermentation acétique et donc vous avez une barrique de vinaigre. Et c'est pour conserver le vin, précisément, qu'on a imaginé des plus petits contenants. Et le meilleur moyen, c'est évidemment la contenance d'environ un litre, peu importe, parce que l'histoire des contenances est très complexe aussi, comme toutes les mesures de capacité en Europe, c'est extraordinairement compliqué. En tout cas, quand vous mettez une barrique de vin de Bordeaux en bouteille de 75 centilitres, ça vous fait 300 bouteilles. 300 bouteilles, si la bouteille est bien bouchée, vous couchez vos bouteilles dans la cave et vous les dégustez au fur et à mesure de vos besoins. Vous n'êtes pas obligé de boire vos 225 litres. Il faut inviter beaucoup de monde pour boire 225 litres. Et donc, c'est ça l'origine vraiment de la bouteille de conservation. Mais il y a ce problème. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a celui de la fragilité du verre. Oui, sur cette fragilité, quelle en est la raison et comment va-t-on arriver à faire un verre plus solide? La composition des verres du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'Antiquité fait qu'on a des verres plutôt blanc, ou bleuté, ou verdâtre, mais transparent, et forcément fin, et donc fragile. Pourquoi forcément ? Pour des raisons qui tiennent à la composition du verre. On fait quand même des choses merveilleuses quand vous regardez les carafes que Venise, ou les verres de Venise, élaborés à partir du XIVe siècle, XVe siècle, ce sont des objets absolument prodigieux, mais d'une fragilité extrême. On en voit dans les musées du Moyen-Âge, à Paris, au musée de Cluny, ou un peu partout dans les musées européens, vous avez des cabinets de curiosité dans lesquels vous avez des verres de Venise, ou des carafes de Venise, qui sont décorées, qui sont peintes, qui sont émaillées, qui sont absolument prodigieuses, mais d'une fragilité, c'est de la coquille d'œuf. On n'appelait décidément pas la Sérénissime pour rien. Voilà, c'est de la coquille d'œuf. Pour conserver le vin et pour le transporter, il faut des bouteilles en verre plus épais. Et par chance, arrive à ce moment-là un événement fabuleux, c'est que l'Angleterre a très mal géré ses forêts au cours du Moyen-Âge. Et donc, on arrive au XVIIe siècle, il y a très peu de forêts en Angleterre, alors qu'il y en a énormément en France, par exemple. On a moins de 7% de la superficie de l'Angleterre en forêt, alors qu'on est à 20-30% en France. Et donc, l'amirauté anglaise convainc le roi de protéger les forêts parce qu'ils ont besoin de bois pour les vaisseaux, pour la marine. Donc plus de bois, moins de tonneaux. Le verre, non, c'est pas les tonneaux. Le verre consomme énormément de bois. Les fours des verriers consomment énormément de bois. Tous les fours de verriers dans toute l'Europe sont à proximité des grandes forêts. Et les verriers en font une consommation inimaginable. En plus, il y a le charbon de bois qui consomme énormément de bois aussi partout en Europe, qui sert à la cuisine, au chauffage, etc. Donc les Anglais prennent du retard, évidemment. Non, donc l'amirauté convainc le roi d'interdire aux verriers d'utiliser du bois, et donc de prendre du charbon de terre, parce que ça correspond à la découverte du charbon de terre, des gisements du nord de l'Angleterre, et donc on fait du verre avec du charbon de terre, ce qui permet d'avoir un verre beaucoup plus solide, parce que la température est plus haute, plus épais aussi, plus visqueux, etc. Enfin, bon, je ne rentre pas dans le détail technique qui est très compliqué. Et donc, on arrive à faire des bouteilles en verre épais et en verre sombre. Ce qui va permettre aussi de mettre le vin à l'abri de la lumière. Sur cette question-là, Jean-Robert Pitt, est-ce qu'on cherchait, sans savoir le faire, à produire déjà un verre sombre tout ça va ensemble, c'est très difficile, oui, c'est l'œuf et la poule. Ça infuse, c'est très difficile, ouais, de savoir quelle est la première découverte. Surtout que se greffe là-dessus un autre sujet, qui est celui de l'hygiène et de la conservation du vin. Le vin, à l'époque, au XVIIe siècle, n'est pas protégé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'addition de soufre. On ne brûle pas de soufre dans les barriques. Ce qui fait que les vins attrapent des quantités de maladies. Les seuls qui n'attrapent pas de maladies, et ce sont les Anglais qui l'ont inventé aussi, ce sont les vins dans lesquels on met de l'alcool. pour les conserver. Donc c'est le Porto, c'est le Sherry, c'est le Madère. Donc on arrive, en mettant de l'alcool pur dans du vin qui fait 12-13 degrés, à monter à 20 degrés, et un vin qui est à 20 degrés, grâce à l'alcool ajouté, n'est plus attaqué. Buté, n'est plus attaqué, donc il n'y a plus de refermentation et il n'y a plus de maladie parce que l'alcool est un protecteur. Mais les Hollandais découvrent à ce moment-là, c'est une découverte extraordinaire parce qu'on aurait pu le trouver dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, on ne l'a jamais trouvé, c'est que quand on brûle du soufre dans une barrique, ça l'aseptise et donc le vin qu'on met dedans après peut se conserver. Et on découvre le moyen de conserver le vin. Alors que jusqu'à cette époque, le vin d'une vendange est bu avant le printemps suivant. Après, il tourne très mal. Donc les vins sont bus extrêmement jeunes, pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance. Et c'est grâce aux Hollandais, ça s'appelle Dutch Match, l'allumette hollandaise, qu'on brûle dans les barriques du soufre, la barrique est aseptisée, par conséquent le vin se conserve bien. Une fois que votre vin est transporté aux Pays-Bas, ou en Angleterre, ou en Allemagne, ou au Danemark, vous le mettez dans des bouteilles neuves, propres qui sortent du four du verrier, et nouvelle découverte, tout ça se passe en même temps à peu près, nouvelle découverte extraordinaire, alors cette fois-ci des Anglais, c'est qu'eux qui achètent du vin au Portugal s'aperçoivent qu'il y a un matériau incroyable qu'on connaît très mal, qu'on n'utilise pas en Europe du Nord, qui est le liège, parce qu'il y a des chênes lièges. Et donc ils s'aperçoivent que dans cette écorce de Kerkous-Souber, le chêne liège, eh bien on peut fabriquer des bouchons pour ces bouteilles. Parce qu'il y a... À l'intérieur du liège, quelque non, chose non, qui... Le liège est un matériau souple. Souple. Ce qui fait qu'on peut lui forcer. Avec le forcer. Mini bulles d'air à l'intérieur. Oui, mais c'est pas ça l'avantage. C'est léger, c'est très bien, mais c'est surtout souple. On lui donne la forme qu'on veut. On lui donne un peu la forme que l'on veut, et par conséquent, on peut le rentrer en force dans un goulot de bouteille, et le vin ne sort pas. Alors qu'avant, c'était avec des bouchons de bois, de la cire, tout ça, et c'est pas très étanche, c'est beaucoup moins bien. Et d'ailleurs, c'est le mot anglais bouchon, qui est cork, vient du latin Kerkous Souber, c'est-à-dire le chêne liège qui sert à faire le... Et donc, la bouteille de vin, le vin bien protégé par du soufre, le liège, des vins meilleurs, on sait faire des vins meilleurs à ce moment-là, tout est là. Donc vous mettez votre barrique que vous achetez en bouteille, vous gardez vos bouteilles, et alors arrive à ce moment-là quelque chose, une sorte de une découverte fortuite, c'est qu'on s'aperçoit qu'un vin qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans, conservé dans une bonne bouteille avec un bon bouchon, etc., un bon vin à l'origine, devient bien meilleur au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. On découvre à ce moment-là les vertus du vieillissement qui, pour le géographe, alors, sont extraordinairement novatrices parce que c'est à ce moment-là, avec le vieillissement, qu'on s'aperçoit beaucoup mieux des différences de terroir. Et que, par exemple, à Bordeaux, puisque Bordeaux est une des premières régions viticoles à avoir exporté ses vins vers l'Europe du Nord, il y a eu des verreries à Bordeaux très tôt, etc., donc avoir mis en œuvre la mise en bouteille, eh bien, on découvre la différence entre le goût d'un château Latour ou d'un château Lafitte, grâce au vieillissement. Alors que, je ne sais pas si vous avez pratiqué les primeurs, la dégustation des primeurs à Bordeaux, quand vous dégustez les vins quelques mois après leur élaboration, puisque c'est l'année qui suit la vendange, ça se passe maintenant, vous avez des vins qui sont très jeunes, très tanniques, et un peu durs parfois de deviner, de bien découvrir la différence. Tandis que un vin vieilli, à ce moment-là, apparaît, la différence éclate au grand jour. Dans ce flacon de 87 centilitres, un trésor, un vin jaune produit sous Louis XVI. Quelle année ? 1774, voilà, avec un assez joli niveau. Il provient des vignobles d'Arbois, la capitale des vins du Jura. Le propriétaire de ces bouteilles, dont trois seulement seront mises en vente, a voulu garder l'anonymat. Mais il aime à raconter le jour où, avec un ami, il s'est offert une dégustation. C'était en 1992. C'était presque religieux. C'était... Les deux vignerons d'Arbois qui ont ouvert la bouteille ont mis 1h15 pour l'ouvrir pour ne pas abîmer le bouchon. La couleur d'abord a surpris en disant « mais c'est un jaune d'or absolument incroyable ». Mais de son goût, pas un mot. Est-il vraiment buvable? Ces bouteilles entreposées dans une cave tenue secrète représentent une fortune. En 2011, l'une d'elles a été vendue pour la modique somme de 57 000 euros. Cet après-midi, à Lonsonnier, des acheteurs du Japon et des États-Unis vont se disputer ces bouteilles rarissimes, presque éternelles, comme des diamants. Ce que l'on comprend en vous entendant, Jean-Robert Pitt, c'est que tout ça est le fruit de tâtonnements, d'essais, de coups de chance, probablement, oui, bien assez sûr, régulièrement. Bien sûr, bien sûr. on n'est pas en train d'une évolution législative aussi, parce que, par exemple, en France, on n'a pas le droit de mettre le vin en bouteille jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Pour quelle raison ? Parce que les bouteilles sont soufflées à la bouche, elles n'ont pas toutes exactement la même contenance, ça varie de quelques centilitres d'une bouteille à l'autre. Il y a des petits becs et des grandes gueules. En fonction du souffle du verrier, de la taille de la boule qu'il va cueillir dans le four, la boule de verre en fusion. Donc les bouteilles sont toutes légèrement différentes les unes par rapport aux autres. Et par conséquent, l'administration de l'État royal interdit la mise en bouteille parce qu'il y a risque de tricherie. Vous me vendez une pinte, c'est 80, à Paris par exemple, c'est 90 centilitres d'aujourd'hui, mais une bouteille d'une pinte peut avoir 85 centilitres ou 95. Donc si c'est 95, tant pis pour le vendeur, il perd de l'argent. Si c'est 85, tant mieux pour lui et il triche. Enfin, des triches, entre guillemets. Donc, c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre le vin en bouteille à Paris. La législation change, commence à changer sous la Régence et après sous Louis XV. Et pour une raison bien particulière, c'est qu'on a absolument besoin de vin à Paris, de bouteilles à Paris, pour un vin qui commence à être furieusement à la mode, qu'on n'a jamais bu sous le règne de Louis XIV, qui est le champagne mousseux. Et vous ne pouvez pas faire de champagne mousseux si vous n'avez pas de bouteille avec un bon bouchon. Donc, c'est le champagne mousseux qui impose la bouteille. Qui est le déclic et qui fait que les vignerons, les propriétaires et les verriers champenois supplient le roi de changer la législation. Et donc on autorise la fabrication de bouteilles, mais avant la fin du 19e, les bouteilles ne seront jamais rigoureusement de la contenance indiquée. Madame Clicquot, la veuve Clicquot, se plaint auprès de tous ses fournisseurs du fait que vous me volez. Ils ne la volent pas, mais ils font des bouteilles, même si le processus se perfectionne d'année en année, qui n'ont jamais exactement la même contenance. Et donc, quand c'est au-dessus de la contenance qu'elle impose, c'est-à-dire 75 centilitres à ce moment-là, à l'époque de Mme Clicquot, évidemment, si elle a une bouteille qui fait 78 centilitres, il y a 3 centilitres qui lui sont carottés, si je puis dire, donc qu'elle perd. Et donc, c'est un vrai souci, la contenance des bouteilles. C'est tant qu'il n'y a pas des verreries automatiques avec soufflage à la machine. À ce moment-là, on a une contenance parfaite, on a un poids identique, une contenance rigoureusement identique, mais ça n'apparaît pas avant la fin du 19e. Enfin, du moins, ça n'est pas définitif avant la fin du 19e. Est-ce que cette histoire contient déjà, j'entends avant la fin du 19e siècle, de la concurrence ? Ah bah oui, beaucoup, oui. D'ailleurs, une partie, c'est pas la seule raison, mais une partie de l'origine des différentes formes de bouteilles tient à la lutte contre la concurrence, ou je dirais au désir d'identifier le produit qu'il y a dans la bouteille, déjà par la forme. Et donc c'est comme ça, les bouteilles qui existent encore aujourd'hui, qui sont les plus originales, qui sont des niches, en quelque sorte, comme la bouteille de Tokaj en Hongrie, ou la bouteille de Château Chalon, enfin la bouteille de vin jaune qu'on appelle le Clavelin dans le Jura, ou la bouteille de Chianti paillée, c'est pas une vraie nécessité technique. Ce sont des bouteilles qui ont une forme originale pour ce sont des signes identitaires. Des signes identitaires pour se différencier. Donc c'est en ça aussi qu'il y a une géographie pour ces niches. Hein, ou en Allemagne, ce qu'on appelle box bottle, qui est une gourde aplatie, une bouteille ronde, qui ressemble à la bouteille d'Armagnac en eau de vie, ou à la bouteille de certains vins du nord du Portugal. Donc, des bouteilles donc rondes, mais aplaties sur les côtés. Quels sont les deux grands concurrents, s'il y en a ? Ah bah, on imagine la France. Ça, mais... la majorité des vins du monde aujourd'hui, ce début du 21e siècle, grande majorité est embouteillée soit dans des bouteilles bordelaises, ça c'est la grande majorité, soit dans des bouteilles dites bourguignonnes. Je dis dites bourguignonnes parce qu'en fait ça n'a pas été inventé en Bourgogne, ça a été inventé en Champagne. Donc c'est la champenot bourguignonne. Pour faire simple, la bouteille champenot bourguignonne a les épaules tombantes et la bouteille bordelaise a les épaules carrées. Et donc la bouteille bordelaise se rattache à la famille des bouteilles à épaules carrées, dans lesquelles il y a le Porto, il y a le Sherry, il y a le Madère, toutes les bouteilles anglaises. Alors, il faut savoir que la bouteille à épaules tombantes, donc la bourguignonne si vous voulez, est la plus facile à faire. C'est la plus logique. La plus logique même, c'est la bouteille de Chianti. Je ne parle pas du Chianti Classico, qui est une bouteille bordelaise, je parle de ce qu'on appelle la fiasque. Un col un peu long et... C'est une bouteille globulaire, ouais. Hein, c'est une bouteille qui est en forme de globe, avec un col allongé, qui est très fragile, parce que c'est une bouteille archaïque dans son modèle, même si aujourd'hui c'est fait à la machine, une bouteille archaïque, et qui est complètement ronde à l'origine. Ce qui fait que pour qu'elle tienne debout, il faut lui faire un habillage en paille de maïs, avec un socle. Le socle rond, il y a une espèce de couronne sous la bouteille de Chianti, on en trouve encore aujourd'hui, et cette couronne permet de tenir la bouteille debout. Et le maïs qui est sur toute la partie globuleuse protège aussi le verre qui est très fin à cette époque, parce que c'est pas un verre à l'anglaise fait au charbon de terre, c'est un verre fait au bois, et donc il est fragile comme l'étaient les verres de la Renaissance et du Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, ça coûte très très cher de faire des bouteilles comme ça avec du maïs, mais c'est identitaire. Donc même si le vin n'est pas très très bon, les gens sont contents quand ils voient la bouteille de Chianti arriver sur la table. Les racines sont là. Tout de suite, spaghetti à la tomate, jambon, tout, ils sont en Italie déjà. Donc c'est un argument commercial. Ça c'est la bouteille archaïque et c'est la plus logique, la bouteille toute ronde. Après on apprend, et ça a été assez compliqué techniquement, je ne vais pas rentrer dans le détail, à enfoncer le cul de cette bulle pour avoir un fond plat. On le voit par exemple quand on lit l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il y a beaucoup de planches sur la verrerie, et on voit très bien comment, c'est le moment où ça se perfectionne, ce modèle, avec un pontil, on enfonce le fond de la bulle, hein, et on crée un cul de bouteille qui est enfoncé. Vous voyez bien, toutes les bouteilles, même celles qui sont faites industriellement, ont un cul enfoncé. Parfois très profond. Dans les bouteilles anciennes, vous pouvez y mettre le doigt entier, voire la main, parce que parfois c'est enfoncé très profondément, de façon à créer une assise. À ce moment-là, une bouteille qui a le cul enfoncé, vous pouvez la poser debout, sur la table. Donc ce qu'il faut, et ça c'est très utile de pouvoir la poser debout pour pouvoir servir, c'est pratique. Mais il y a le problème des côtés cylindriques. Une bouteille de Chianti, je parle du Chianti en fiasco, vous ne pouvez la garder que debout, vous ne pouvez pas la coucher. Or, si on veut conserver le vin et le transporter, c'est quand même plus facile de coucher les bouteilles, parce que vous pouvez les entasser dans des caisses ou dans la cave, et donc ça prend beaucoup moins de place. Et puis surtout, ça permet de mouiller le bouchon. Par conséquent, d'étanchéifier la bouteille. Tandis qu'un bouchon, une bouteille qui reste debout, le bouchon petit à petit se sèche, se rétrécit, voire il tombe dans la bouteille, ou en tout cas il laisse passer de l'air, et à ce moment-là le vin est foutu. Donc la conquête de la cylindricité de la bouteille est aussi un élément technique extraordinaire, inventé aussi par les Anglais, dans des demi-moules. À ce moment-là, vous, au lieu de souffler à l'air libre, et donc ça vous fait un ballon, comme quand vous soufflez dans du savon, donc ça vous fait un ballon. Au lieu de souffler à l'air libre, vous soufflez le verre dans un moule. À ce moment-là, ça vous fait une forme cylindrique. Mais le haut, il est forcément arrondi. Quand vous soufflez, ça vous fait une bulle. Simplement, la bulle vers le bas est contrainte par le moule, donc vous avez un cylindre qui se termine par une demi-bulle. C'est la bouteille de champagne et de Bourgogne, qui a les épaules tombantes. Ça, c'est donc une certaine forme d'archaïsme. Moins archaïque que la bouteille de Chianti, mais une certaine forme d'archaïsme. Et la bouteille de Bordeaux ? Alors justement, la grande révolution, c'est le passage de la bouteille à épaule tombante à la bouteille à épaule carrée. Donc ça, c'est assez compliqué sur le plan technique, hein, parce qu'il faut enfoncer le col de la bouteille, il faut façonner ces épaules carrées de la bouteille. Mais la question, donc ça, on connaît bien l'histoire technique de cette invention, qui est anglaise, qui est néerlandaise. On voit très bien l'évolution, l'apparition de ces épaules carrées au fil du XVIIIe siècle, hein, surtout. Mais quelle est la raison ? Et c'est ça, moi, qui m'a torturé longtemps, c'est d'essayer de découvrir pourquoi a-t-on inventer ces épaules carrées qui, techniquement, ne sont pas absolument indispensables. Parce qu'après tout, que les épaules soient tombantes ou carrées, ce qui compte pour entasser des bouteilles dans une caisse ou pour les mettre dans une cave, c'est qu'elles soient cylindriques, une grande partie. Je vous propose, Jean-Robert Pitt, de continuer à préserver le suspense jusqu'au bout. C'est vrai. Mais vos éditeurs attendent. Et ce qui fait que, eh bien justement, ils le sauront demain, parce qu'on vous retrouvera demain pour poursuivre cet entretien autour de cette bouteille de vin et le sous-titre. Histoire d'une révolution. Et c'est paru chez Talendier. À demain. Ils vont pas dormir, hein, là, vos éditeurs. Ah, ça, c'est un Claude Labbé. Premier grand cru de Saint-Émilion. Il est magnifique, non ? Votre abbé en bouche est d'une longueur éblouissante, si je puis me permettre. Est-ce que je peux vous faire goûter mon petit vin de messe ? Le fameux chardonnay. Oui, lequel, comme chacun sait, se boit à genoux et tête nue. Un chardonnay à Saint-Émilion, c'est culotté. Ah, ma terre blanche, vigne blanche. Dans une bouteille de Bourgogne. Ça frise la correctionnelle. Thank you.